Was willst du mehr dir Sapientia erica eus locetur indicium metus vigui sa affetentatione conicumcum probates veri aspet corona vitae Kyrie fons domonitas Kyrie ignis divine leiso o quasar